Dans ce 17e épisode, vous me retrouvez un petit peu enrhumé, mais bien là, pour vous parler de la loi de Murphy, de chat et de tartine. Podcast du blog moptimise.com, je vais vous parler de life hacking, de développement personnel, de développement professionnel et de tech. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moptimise. Et donc cette fois-ci, après vous avoir parlé de la loi de Parkinson dans le 15e épisode, des lois de Parkinson, cette fois-ci je vais vous parler de la loi de Murphy. Et pour cela, la loi de Murphy, je vais la traiter en deux parties. Une partie très sérieuse et comment l'appliquer. Et puis il y aura une deuxième partie un petit peu plus hétéroclite sur pas vraiment les applications, mais la façon dont la loi a été dérivée à droite et à gauche. Donc pour commencer, la loi de Murphy. Alors la loi de Murphy, c'est un certain Edward Murphy Jr., qui était un ingénieur aérospatial américain, qui a énoncé le premier principe, et on parle ici d'une loi empirique, donc qui a été apprise au fur et à mesure du temps et des essais. Il y a plusieurs façons d'énoncer la loi. Je vais vous en donner trois relativement connues. La première dit « si cette personne a la moindre possibilité de faire une erreur, il la fera ». La deuxième « si ça peut mal se passer, cela arrivera ». Et la troisième « s'il y a plus d'une façon de faire quelque chose et que l'une d'elles conduit à un désastre, alors il y aura quelqu'un pour faire de cette façon ». C'est une loi qu'on ne connaît pas forcément en France sous le nom de « loi de Murphy ». En France, on la connaît en général sous la loi de l'emmerdement maximal, la LEM. Donc où forcément, dès quelque chose peut mal se passer, ça va mal se passer. En général, ça va s'enchaîner les uns à la suite des autres. On la connaît également sous le nom de la loi de la tartine beurrée, qui veut que forcément, quand une tartine tombe, eh ben, elle va forcément tomber du côté beurré, le face par terre. Voilà pour la loi de Murphy. De façon relativement stricte, on a quatre aspects dans cette loi. La première, c'est évidemment que c'est un canular, que la fatalité fait échouer toute expérience par des moyens tout à fait imprévisibles. Le deuxième aspect, c'est de type statistique. Statistiquement, si beaucoup de personnes actionnent un appareil et qu'il existe ne serait-ce qu'une façon de se tromper, il existera statistiquement des gens qui feront cette erreur, et c'est d'eux seuls que le service après-vente entendra parler. Donc cette seconde forme est confirmée par l'expérience, et elle a conduit à l'utilisation généralisée de la conception sécuritaire, j'y reviendrai un petit peu après. Le troisième, c'est un aspect psychologique, c'est un problème de corrélation illusoire connu en psychologie et en communication. Un événement négatif marque forcément plus le sujet qu'un événement positif. Si une action échoue, on évoquera la loi de Murphy ou la loi de l'emmerdement maximum. Mais si elle réussit, personne ne pensera spontanément à ces mêmes lois. Ne pensera spontanément que la loi ne s'est pas appliquée. C'est pour ça que les clichés semblent si souvent vrais. Le dernier point, c'est lié à l'être humain. Donc si une première erreur est faite, et surtout si elle peut avoir de graves conséquences, elle entraîne un état de stress qui amène fréquemment, si on n'arrive pas à maîtriser le stress, à d'autres erreurs, et la situation ira de mal en pis avec le temps et le nombre d'erreurs. Donc là, on est vraiment sur la loi de l'emmerdement maximum. Pour revenir sur la conception sécuritaire, faut pas oublier que ce monsieur Murphy était un ingénieur aérospatial, et donc forcément, il a une vision aérospatiale, envoyer des fusées dans l'espace, et donc, eh ben, il faut penser à toute éventualité, doubler, tripler tous les systèmes de sécurité. Donc, voilà, on est sur quelqu'un qui a mis des mots sur et lancé un petit peu tout ce qui est le principe de précaution pour éviter des erreurs d'assemblage dans l'industrie. Et le but est de, voilà, de tendre vers le zéro défaut pour atteindre ce but de lancer des fusées dans l'espace et habiter. Donc on est ici, voilà, vraiment purement sur un principe de base du lean management et d'avoir que tout fonctionne la première fois et sans erreur. Voilà pour la partie très très sérieuse de la loi de Murphy. Après, la loi de Murphy, elle a été interprétée et vue de plein de façons différentes, très très amusantes. Et après, on peut la, il y a d'autres façons de l'énoncer. Typiquement, il y a du nul n'est parfait et surtout pas les autres. On a la loi de la tartine beurrée qui dit que la tartine beurrée tombe toujours du côté beurré. Il y a des scientifiques qui ont fait beaucoup d'études là-dessus, sur cette loi de la tartine beurrée, et qui finalement, voilà, ont conclu que la hauteur de la table est pas suffisante pour que la tartine ait le temps de faire une rotation complète. Donc forcément, quand on pose la tartine sur une table, la face beurrée est au-dessus, et donc quand elle tombe, elle n'a pas le temps de faire un tour complet, donc elle fait plutôt un demi-tour, et donc elle finit le beurre sur le tapis. On a l'effet démon, un objet, un logiciel qu'on va utiliser tous les jours sans incident, va assez fréquemment présenter un dysfonctionnement lors d'une démonstration, surtout quand on est en public. Peut-être que certains se souviendront d'un Bill Gates qui a réussi à avoir un écran bleu lors d'une présentation Windows. Ça, voilà, ça la fout mal. En France, on a historiquement, on avait l'effet Bonaldi qui faisait partie des émissions nulle part ailleurs, et on a tout essayé il y a plusieurs années maintenant, qui avait très très souvent la malchance de lorsqu'il faisait les démos de ses produits, d'avoir forcément des problèmes et des erreurs. Les informaticiens connaissent peut-être plus sous le nom la loi du fatal error, ou l'écran bleu de la mort, voilà, forcément. Et typiquement, de la même façon en informatique, la probabilité qu'arrive un crash ou un problème est forcément inversement proportionnelle au nombre de sauvegardes que l'on a fait. Heureusement, maintenant, avec les services en ligne, genre Google Docs, on n'a même plus besoin de sauvegarder, c'est sauvegardé automatiquement. Et après, cette loi de Murphy a aussi d'autres points de vue, typiquement les files d'attente dans les supermarchés ou les bouchons sur l'autoroute. Si on est dans une file d'attente qui est située entre deux autres, on a 2 chances sur 3 que l'une des deux files à côté de nous soit plus rapide que la nôtre. Et après, on a notre côté psychologique qui fait qu'on a l'impression d'être dans celle qui avance le moins vite. Qu'on n'est pas forcément dans celle de moins vite, il y en a peut-être une qui va plus vite, mais pas forcément les deux. Donc ça a aussi fait l'objet de beaucoup d'études scientifiques. Et une des façons de passer outre ceci, c'est de faire une file d'attente unique pour tout le monde, et ensuite que chacun se sépare vers les caisses disponibles. C'est une des façons de faire. Et donc pour aller encore plus loin, encore plus fou, on peut arriver carrément à des paradoxes de la loi, qui s'appelle le paradoxe du chat beurré. Donc ici, on prend à la lettre la loi de la tartine beurrée, et donc cette loi dit de manière définitive, entre guillemets, que le beurre doit toucher le sol, et on a des principes de ce qu'on appelle l'aérodynamique féline, qui dit que forcément un chat atterrit sur ses pattes. Et donc quand on combine les deux et qu'on dit on va mettre, si on fait un assemblage d'un chat et d'une tartine beurrée sur son dos, et qu'on lance le chat, qu'on le laisse tomber, et ben techniquement il n'y a aucun moyen de résoudre le paradoxe. Parce que le chat ne peut pas retomber sur ses pattes, parce que sinon la tartine n'arriverait pas du côté beurré, et la tartine ne peut pas arriver du côté beurré, parce que ça voudrait dire que le chat arrive sur le dos et non pas sur ses pattes. Voilà, donc on est typiquement, en poussant la loi jusque jusqu'au bout, jusqu'à l'absurde, et en la combinant à une autre, on arrive à une solution complètement insoluble. Voilà ce que je pouvais vous présenter sur la loi de Murphy, de l'emmerdement maximum, de la tartine beurrée. Vous irez voir les notes de l'émission. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel dessus. Il y a des sortes de banques d'interprétation de la loi. Certaines disent rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. D'autres disent tout prend plus de temps que ce que vous croyez. Ça, par contre, ça nous ramène à la loi de Parkinson. Et il y a même des sites complets qui vous font des listings de petites phrases qui s'apparentent à la loi de Murphy. Il y a même des sortes de générateurs. Donc n'hésitez pas à aller voir les notes de l'émission si vous voulez en savoir un petit peu plus. Voilà pour la loi de Murphy. Et puis moi je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à venir partager, commenter l'émission sur les différents réseaux sociaux et sur le site moptimis.com. N'hésitez pas à venir vous inscrire à la newsletter sur moptimis.com. J'ai envoyé la deuxième édition un petit peu réduite, un petit peu comme mon ami prof du web qui a sa newsletter le 3 fait le mois. Je suis un petit peu dans la même mouvance à faire une newsletter relativement minimaliste tous les 15 jours, 3 semaines, avec 3-4 liens dedans, pas beaucoup plus, des choses voilà que moi j'ai consulté, j'ai bien aimé et que j'ai envie voilà de regrouper et de partager avec vous. Et n'oubliez pas non plus ReLife, le retour de Nip Life avec mes camarades. Voilà, à très bientôt, au revoir.